ennui et créativité. Lorsque l'être humain vit de l'ennui dans sa vie, c'est parce que quelque part, il connaît une sous-stimulation de son environnement. Donc, lorsque la personne est, par exemple, sous-stimulée, donc stimulée en dessous de ses capacités au travail, donc elle va s'ennuyer. Pourquoi? Parce que le travail ne sera pas à la hauteur de ses compétences. Même chose dans sa vie privée. Si la personne, en dehors de son temps de travail, donc dans sa vie par rapport à ses loisirs, sa vie aussi au niveau amoureux, sa vie familiale, elle s'ennuie, c'est parce qu'elle manque d'activité. Puis, pour répondre à une stimulation plus adéquate, l'être humain peut se la donner. Donc, l'être humain, s'il est créatif, il est capable de meubler sa vie pour la rendre agréable. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu, si je m'ennuie, je manque de stimulation, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire, entre autres, un enregistrement où je vais parler à voix haute parce que ça me stimule. Donc, c'est une des façons que je compose. C'est sûr que beaucoup d'artistes qui, lorsqu'ils sont confrontés à des situations ennuyeuses dans leur existence, sont extrêmement créatifs parce qu'il faut voir le vide qui occasionne l'ennui, donc la sous-stimulation de par exemple, de stimuli sensoriels, auditifs et autres, comme étant l'espace potentiel du déploiement de l'aide de l'individu. Si l'individu est capable de se brancher à la source et de canaliser cet océan intérissable de créativité, parce que lorsque la personne s'intériorise puis elle rentre en contact avec l'esprit et qu'elle vit une communication télépathique avec lui, elle ne peut plus s'ennuyer. L'ennui, d'ailleurs, c'est un état de réflexion de l'ego par rapport à sa condition. Donc, lorsque la personne s'ennuie, c'est que l'ego évalue qu'il est sous-occupé, il ne sait pas quoi faire. Mais si l'ego se branche à l'esprit, ça veut dire intérieurement ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas pareil. L'ennui peut être lié au fait que l'ego est sous influence d'un brouillard astral qui l'empêche d'avoir accès à une direction intelligente dans sa vie. Alors que si l'individu est branché avec l'esprit, il va être créatif. Quelqu'un qui est en contact avec l'esprit, ça peut l'amener à faire un enregistrement, un autre, écrire plein de textes. Parce que l'esprit adore se déployer au sein de l'individu et se manifester à travers lui, à travers la parole, à travers les actions. Donc, moindrement que l'être humain laisse de la place à l'esprit pour entrer à l'intérieur de lui, l'être humain va être dynamisé. Et il va devenir créatif. L'un des meilleurs moyens pour un être humain de vivre de la créativité, c'est de se mettre dans un contexte de sous-stimulation sensorielle. Donc, autrement dit, dans une situation où la personne est dépourvue de stimulus externe. Dans le sens que si la personne, fait du sport à tous les jours, elle travaille, elle fait du sport, elle va écouter du sport à TV, arrête pas, elle s'ennuie pas. Donc, à ce moment-là, elle ne sera pas aussi créative que si, par exemple, elle connaît beaucoup de dépouillement dans son existence. Donc, quelqu'un qui arrive tout seul chez lui, après avoir travaillé parce qu'il a connu une séparation avec sa compagne, il n'y a pas d'autres personnes à qui parler que lui-même, il peut passer beaucoup de temps à discuter télépathiquement avec l'esprit, puis l'esprit peut y apprendre des choses, puis utiliser l'espace de solitude qu'il connaît comme étant un déploiement d'une expression créative qui peut déboucher par la suite par la réalisation d'un peu plus d'une centaine d'enregistrements sur Internet. Donc, l'ennui peut être comblé par la créativité si l'être humain se permet de donner vie à cette créativité-là, puis laisse la place dans son existence à l'esprit. L'un des meilleurs moyens pour dériver, c'est que l'être humain peut faire... autrefois, dans le domaine de la conscience, il y avait, ça existe encore aujourd'hui, remarquez, là, le phénomène des retraites fermées. Donc, des gens qui allaient méditer en nature, là, ça durait 10 jours de temps, où ils sont en retrait pour s'intérioriser, laisser les choses émerger. C'est sûr que ça peut être agréable de se trouver dans un environnement avec plusieurs végétaux qui nous entourent, mais ça peut se faire n'importe où. Ça peut se faire également dans un logement en ville, tout simplement. Donc, la personne doit se donner de l'espace pour se déployer créativement. Et c'est sûr que la beauté d'une personne qui est créative et qui est capable de se brancher psychiquement à cet océan de lumière que représente le plan éthérique, c'est le fait que lorsqu'elle est branchée psychiquement avec cette réalité, elle ne peut pas techniquement s'ennuyer. Parce que la vibration va la vitaliser, puis l'amener à parler, puis à parler. Puis là, les gens à l'extérieur d'elle vont trouver ça étrange, qu'une personne puisse parler, puis là, pas juste faire un enregistrement, deux, trois. Non, la personne elle peut être rendue au-dessus de 200 enregistrements, puis elle a toujours des choses à dire. Pourquoi? Parce que l'esprit est sans fin, il se renouvelle continuellement. Donc, si l'être humain est capable de se brancher à ce flot d'énergie créative à travers elle, bien, à ce moment-là, elle n'aura jamais le syndrome de la page blanche et aura toujours de l'inspiration. Parce que l'esprit inspire continuellement l'être humain parce que c'est dans sa nature de se renouveler tout le temps créativement, de donner accès à l'être humain à des nouvelles idées. Puis lorsque l'être humain canalise ça sur le plan physique, l'esprit est content parce que ça lui permet de se manifester sur le plan matériel. Et c'est son but, parce que le but du plan éthérique où réside l'esprit, c'est éventuellement qu'une interprétation puis une fusion totale avec le plan matériel qui va faire que les deux plans vont travailler ensemble par synergie totale en éliminant ici les résistances astrales et le décalage énergétique entre les deux qui empêche une harmonisation adéquate entre ces deux réalités. Donc, autrement dit, la parole vibratoire, entre autres, peut être un moyen pour faire face à des situations ennuyantes et rehausser un taux vibratoire. L'une des plus belles choses que donne accès la parole, qui est le résultat de la canalisation de l'esprit d'une manière volontairement consciente, c'est accès à une énergie de vitalité, de renouvellement psychique aussi qui s'y rapporte, d'une dynamisation créative, parce que la personne qui, par exemple, fait régulièrement des enregistrements, écrit des textes, par la suite compose des chansons, compose des poèmes, elle est impliquée à différents niveaux sur le plan créatif, il y a une forme de dynamisation interne qui s'y rapporte. Alors que l'autre personne qui passe son temps à capter l'influence d'une entité astrale qui répète dans sa tête « je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie », puis la personne dépérit intérieurement, il y a une stagnation énergétique qu'elle connaît. Donc, en fait, aussi, ce qui est à noter, c'est que pour rester cohérent, il faut que la personne se manifeste puis qu'elle s'exprime. D'ailleurs, récemment, j'ai eu la chance de discuter avec une personne qui vit dans un rang éloigné, c'est-à-dire un endroit qui est reculé de la ville. Et là, la personne souffre d'ennui, elle vit un état dépressif. Pourquoi? Parce qu'elle a accès à beaucoup d'énergie puis elle ne canalise pas. Donc, c'est ça qui amène sa détérioration psychique. Donc, autrement dit, il y a dans certains cas des cas de dépression qui sont liés au fait d'une retenue d'énergie, puis reliés aussi au fait que la personne est en lien avec l'astral, puis elle ne canalise pas l'énergie du plan éthérique d'une manière adéquate dans sa vie. Donc, autrement dit, à un certain niveau, j'oserais même dire, mieux vaut écrire des textes et faire plein d'enregistrements, que ça se vende pas, que les gens y aiment ça ou y aiment pas ça, que d'imploser intérieurement, il y a un manque d'extériorisation de l'énergie, de se retrouver en état de dépression. Donc, autrement dit, l'extériorisation de l'énergie est aussi vitale que au niveau de l'extériorisation, par exemple, des fluides corporels dans le corps. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il faut que l'être humain ait uriné, n'est-ce pas, pour pas que la vessie éclate. C'est le même principe. Donc, si l'énergie circule pas librement à travers l'être humain, puis elle est bloquée par un ego qui est réflexif, par un ego qui est sous influence astrale, par rapport à un ego qui est lourd, par rapport à un ego qui est sclérosé, qui est constipé dans des mémoires anciennes, une rigidité, un désir de perfection qui le bloque dans l'expression, bien, c'est là que l'être humain devient malade puis incohérent. L'un des secrets de la santé puis de la cohérence psychique, c'est le fait de canaliser l'énergie. Puis plus que l'énergie circule, puis plus qu'il y en a. Ça, c'est particulier. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un peut dire « ça n'a pas de bon sens ». après avoir fait 200 enregistrements, il y a encore du matériel qui descend. Puis là, la personne pense qu'elle va saturer, puis elle peut en faire 300, 500, 800. Puis comme l'esprit, c'est infini, elle va avoir tout le temps quelque chose à dire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça amène tout le temps la personne à se renouveler en lien avec des énergies différentes qui descendent. Puis à chaque fois que l'énergie de l'esprit passe à travers l'individu en tant que canal, cette énergie-là va toujours travailler l'individu pour épurer les couches astrales qui sont là pour que l'être humain devienne de plus en plus transparent, de plus en plus pur psychiquement dans le sens d'être libre des attaches astrales et planétaires. Donc, un travail qui se fait par la circulation d'énergie au cœur de l'individu pour amener la personne à rehausser son taux vibratoire puis égaliser celui de l'esprit, puis aussi à épurer son taux vibratoire. Lorsque la personne a la capacité de contacter l'esprit, la personne peut se mettre en position de disponibilité. Donc, la personne qui vous parle présentement, elle a les yeux fermés pour connaître un état de privation sensorielle, pour concentrer toute mon attention sur la voix. Puis, qu'est-ce qui émerge en moi? Et je réalisais avec le temps, ça c'est personnel, c'est à vous de voir si ça s'applique ou non, que j'étais plus efficace pour parler puis capter les vibrations qui proviennent des gens qui m'entourent lorsque j'ai les yeux fermés. Donc, pendant que je vous parle, j'ai les yeux fermés. Là, je regarde qu'est-ce qui émerge. Puis, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'émergence de l'esprit au sein de l'individu, c'est un phénomène qu'éventuellement toutes les êtres sur la Terre sont appelés à connaître, à se généraliser au fil du temps, d'une manière exponentielle. Au début, il y en a un qui vit ça. Ensuite, il y en a deux, il y en a trois, puis il y en a cinq. Donc, moi, je vois ça comme un cône. Donc, il y en a un, ensuite, la génération après, ben il peut en avoir 5, 15, puis c'est exponentiel. Il y en a de plus en plus avec le temps, puis éventuellement, ben ce sera toute l'humanité qui va être touchée par cela, parce qu'on entre dans un nouveau cycle d'évolution qui se rapporte au passage de l'évolution, descente de l'énergie de l'esprit dans la matière à une fois qu'on a atteint le fond du baril. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsque l'ego est bien densifié? Ben remonter. Lorsqu'on touche le bas fond, puis on est très dense, ben l'ego, il faut qu'il remonte en ayant la capacité d'absorber la subtilité de l'énergie de l'esprit, étant donné qu'il est doté d'une structure énergétique très densifiée pour cela. Puis de se dépolluer aussi d'une densité qui est inutile, qui servait temporairement à amener la personne à s'enraciner dans la matière. Mais une fois qu'il est bien enraciné dans la matière, bien, l'ego, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a à apprendre à interagir avec le plan de l'esprit. Puis être en cohérent avec ce plan-là, tout simplement. C'est ce qui boucle le processus. Tandis que lorsqu'il était en contact avec l'esprit à l'origine, il n'y avait pas la maîtrise de la matière. Donc, il fallait qu'il descende dedans, qu'il l'habite, qu'il utilise les sens physiques, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et ainsi de suite. Puis lorsque c'est bien maîtrisé, puis c'est bien fait, ben à ce moment-là, c'est de réintégrer son contact avec l'esprit, la condition, en fait, son lien avec sa contrepartie cosmique, pour être à la fois un être qui transige très bien dans la matière, tout en transigeant également très bien avec le plan éthérique, où résident des entités qui vont faire l'administration de la matière et éventuellement devenir un être qui est à la fois sur le plan matériel, puis à la fois un administrateur conscient de la matérialité. Et au lieu d'être sous tutelle psychique, puis être sous la curatelle d'entités au niveau éthérique, ben, il est le propre administrateur de son existence en tant qu'être intégral et fusionné avec le plan éthérique. Donc, à la fois, il administre la matière, puis à la fois, il vit à travers la matière. Donc, au lieu que ce soit des administrateurs détachés de la matière qui ont l'objectivité psychique nécessaire pour avoir un recul critique et favoriser une évolution des êtres s'y trouvant d'une manière objective, ben, lui-même est capable d'évoluer objectivement puis s'auto-propulser dans un développement tout en étant capable de jouir de la vie sur le plan physique, d'apprécier des choses comme manger, boire, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'être humain qui est appelé à venir. Mais tout cela, ben, il faut composer avec la matérialité, avec intelligence. Puis l'un des moyens d'y arriver, ben, c'est de ne pas souffrir de l'ennui puis d'être créatif. D'ailleurs, la créativité, c'est le propre de l'expression de l'esprit. Un être humain qui n'est pas branché avec l'esprit ne peut pas être créatif. Il peut répéter des mémoires anciennes, il peut les organiser autrement, mais il ne peut pas générer de nouvelles idées, puis sa parole ne peut pas être l'expression d'une vibration réellement nouvelle. Le propre de l'être humain créatif, c'est qu'il est capable de générer par sa parole un taux vibratoire qui peut, lorsqu'il est absorbé, rehausser son aura, puis la modifier, puis l'altérer. Lorsque, par exemple, quelqu'un canalise, il va altérer sa structure énergétique et il va avoir un changement qui s'opère. Pour donner un exemple concret de ce que je veux mentionner ici, c'est que quelqu'un, par exemple, peut vibrer à, par exemple, à 60% en tant qu'âme. Lorsqu'il canalise volontairement, consciemment l'esprit, en lui donnant de l'espace de déploiement, ça peut être à travers l'écriture d'un texte, la réalisation d'un enregistrement audio, il parle. Là, l'esprit, lorsque l'être humain ressent la descente de l'énergie de l'esprit à travers lui, ben, il peut passer d'un taux vibratoire de 60 à 80% momentanément. Suite à cette descente-là d'énergie qui est vécue par lui. Donc, momentanément, il vit une tension, hein, parce que quelqu'un qui est à 60, puis on l'amène à vibrer à 80, puis il n'est pas habitué à ça, ben, ça crée une tension interne au sein de l'individu. C'est comme si l'âme se sentait comprimée par l'entrée massive de l'énergie de l'esprit, qui est plus haut. Donc, par rapport à ce rehaussement vibratoire, une réaction. Il peut avoir une instabilité au niveau de l'âme parce qu'elle n'est pas habituée de contenir autant d'énergie. Puis, par la suite, une habituation de l'âme. Puis, une fois que l'activité de canalisation est terminée, la personne n'est plus en mode captation vibratoire et émission de cette vibration dans sa parole ou l'écriture. Elle va avoir un taux vibratoire qui était différent avant d'exposition à cela. Donc, autrement dit, la personne, avant l'enregistrement, est à 60, lors de l'enregistrement, est à 80, puis après l'enregistrement, elle tombe à 61. Donc, il y a un petit rehaussement qui est fait lors d'une intégration, puis le fait que lorsque l'esprit passe pendant la durée de l'enregistrement, il y a une altération psychique qui se fait, donc l'astral est délogé, puis il y a l'entrée de son énergie qui prend la place. Il y en a un peu qui reste. Donc, il y a une montée momentanée du taux vibratoire de l'individu, mais si l'individu n'est pas capable de le contenir puis de l'assumer totalement, cette montée-là d'énergie, ben, le taux descend, mais en même temps, il y a une altération qui est faite. Donc, la personne passe de 60 à 80 à 61, puis par la suite, elle va canaliser à partir du niveau 61, elle va peut-être monter à 81, puis par la suite, il va y rester 62 en termes de taux vibratoire résiduel suite à la deuxième activité de canalisation, et ainsi de suite. Puis là, si la personne fait ça 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, puis des milliers de fois dans sa vie, ben, ça amène tout le temps un approfondissement dans l'altération de sa psyché. Puis plus que la personne intègre l'énergie de l'esprit, puis plus que ça devient facile pour elle d'en être le canal, puis moins elle va s'ennuyer. L'ennui est en relation avec l'illusion psychologique de l'individu d'être seul. Mais lorsque la personne vit une communication télépathique avec l'esprit, il ne peut pas s'ennuyer étant donné qu'il va discuter avec une contrepartie de lui-même qui va lui apprendre de plus en plus des choses si l'être humain a de plus en plus la capacité à percevoir cette énergie et à être réceptif. Donc, autrement dit, l'ennui est appelé à disparaître et à être remplacé plutôt par un état de créativité qui va propulser la personne dans un renouvellement psychique continuel. Aux yeux de gens de son environnement, cette personne peut paraître comme étant une forme de caméléon, dans le sens qu'elle va vivre des changements qui sont rapides et accélérés si elle doit vivre le processus de la fusion à une grande vitesse, et des gens de son environnement vont la trouver beaucoup changeante. Parce que l'altération de la vibration de la personne peut être perçue par d'autres personnes, et ça va modifier à la fois ses goûts alimentaires, à la fois ses goûts en matière de cinéma, de films qu'elle va aimer écouter, ses goûts en matière de musique, et ça peut même modifier ses goûts en termes de préférences sexuelles. Donc, ça va très loin, tout ça, les altérations. Puis c'est sûr que si la personne change, puis change, puis change rapidement, bien, les gens qui la côtoient depuis des années, ça peut être des membres de la famille rapprochée, mère, père, frère et sœur, vont trouver que cette personne-là change beaucoup. Ouais. Parce que si eux autres ne vivent pas simultanément le même processus, ça va être quelque chose de particulier parce qu'ils vont trouver que l'individu, un peu à l'image d'un serpent, change tout le temps de peau, est toujours en mutation, puis sa structure énergétique s'altère toujours. Ce qui fait que son discours change à un point tel que ce que la personne a dit il y a à peine quelques jours n'est plus nécessairement valide dans le moment présent, vu que sa psyché s'est altérée. Bien entendu, quelqu'un qui intègre la fusion avec l'esprit, il y a quand même une continuation psychique qui, normalement, devrait suivre dans le temps en fonction de lignes directives évolutives qui sont relatives par rapport à la fonction de l'individu. Donc, autrement dit, quelqu'un peut changer de vocabulaire s'il va devenir un communicateur, puis ça se raffine avec le temps, mais il y a une continuité, comme quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument de musique. Donc, il y a une direction. L'esprit donne une direction à la vie de l'individu parce qu'il va le mettre en vibration pour accomplir certaines choses plutôt que d'autres en fonction de qu'est-ce que l'être humain est appelé à vivre compte tenu de ce qu'il a besoin pour son évolution. Voilà tout. Et c'est sûr que ce qui permet à l'être humain d'être libre de l'ennui, c'est sa capacité d'être capable de rire de l'existence, rire de la vie, être capable de s'amuser avec un esprit léger, un esprit enfantin. Donc, être à l'image de ces enfants qui n'ont pas de tabous, de préjugés, de bagages mémoriels lourds et rigides. Donc, parce qu'en réalité, au fil du temps, ce qui empêche l'être humain de connaître la spontanéité et la fluidité du jeune enfant, c'est l'accumulation de mémoire qui l'amène, dans beaucoup de cas, à créer une carapace caractérielle qui est lourde, qui est rigide, qui peut l'amener dans une attitude autoritaire et extrêmement exigeante envers lui-même et les autres. En fonction d'une programmation sociale qui va étouffer son énergie vitale qui provient de l'esprit. Alors que si l'être humain ne subirait pas à un point fort une enculturation, ça fait penser au mot enculé, là, mais bon, c'est ça qui est ça. Si l'être humain ne subirait pas une forte enculturation en lien avec l'éducation, en lien avec la société, la propagande, les médias de masse, la publicité et tout ça, puis l'être humain serait libre de ces mémoires-là, ben, c'est sûr que l'être humain aura la fluidité et la spontanéité d'un jeune enfant, même rendu à l'âge adulte. Et ça ne se dégraderait pas avec le temps. Donc, autrement dit, l'être humain aura une capacité de renouvellement psychique qui est 2 ans, qui est 20 ans, qui est 40 ans ou 60 ou 90 ans. L'être humain pourrait continuellement se renouveler et réinventer, et ça peu importe l'âge de la vie, parce qu'il n'y aurait pas de mémoire de civilisation, de culture qui l'amènerait à s'alourdir puis éventuellement à s'ennuyer. En réalité, les gens s'ennuient. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont coupés de leurs sources. Parce qu'ils peuvent être sous l'influence d'entités astrales qui génèrent en eux l'idée de l'ennui, qui peut les amener à vibrer émotivement un état de tristesse associé à cela, qui va nourrir des pensées défaitistes, qui, la tristesse va amplifier l'importance, devrais-je dire, aux pensées défaitistes que l'individu subit et renforcer certaines entités astrales pour continuer à cheminer ces pensées-là défaitistes, parce qu'à ce moment-là, l'être humain devient en phase énergétiquement avec ses entités, puis à ce moment-là, ça permet à ses entités de plus en plus chevaucher l'être humain, puis de le couper de sa source pour exercer une influence sur lui et l'amener à générer des émotions qui vont les nourrir. Donc, c'est un cercle un peu vicieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas sombrer dans l'ennui. Puis pour y arriver, il faut être à l'image du jeune enfant qui est capable de jouer. Peu importe l'événement qui arrive, il y a des jeunes enfants qui n'ont pas besoin de grand-chose. Puis ils vont s'amuser, puis ils vont rire. Ils vont être capables de composer avec peu de choses. Des fois, il y a des enfants qui vont jouer avec une vieille boîte de carton, mais étant dotés d'une imagination débordante et un haut état de détériorisation, l'enfant peut jouer plusieurs heures étant seul avec lui-même sans jamais souffrir d'ennui parce qu'il est capable de s'amuser avec rien. Puis c'est ce qui rend la personne aussi libre de la société de consommation, voire même de surconsommation. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'acheter régulièrement des choses au magasin ou de faire des achats en ligne d'une manière compulsive devant son ordinateur, c'est sûr que c'est pas très payant pour la société qui cherche à l'amener à consommer et pour les entreprises industrielles qui cherchent à lui vendre leur surplus d'inventaire. Mais c'est ce qui permet à l'individu aussi de ne pas s'endetter et puis de sombrer dans la consommation sur consommation qui peut l'amener pour compenser un manque intérieur, un sentiment d'être vide qui est là au fait, qui n'est pas en contact avec la source de la créativité, qui est inhérente à l'esprit, à sa nature énergétique. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est très créatif, là, il ne s'ennuie pas, puis il n'a pas besoin de consommer d'une manière exagérée, parce que le simple fait de déployer l'énergie de son esprit dans sa vie le remplit, le nourrit, le dynamise, l'énergise, le vitalise. On peut utiliser beaucoup de termes synonymes, mais c'est ça le processus. C'est être capable de rester avec un cœur d'enfant, une simplicité de l'enfant, devrais-je dire, rendu à l'âge adulte, sans être soumis à des formes qui sont lourdes, à des conditionnements sociaux, conditionnements familiaux, conditionnements amoureux et autres, qui vont amener l'individu à courber l'échine sous la pression sociale, ce qui peut l'amener à vivre des états de dépression, parce que si la personne est trop en déphasage avec elle-même, ben à ce moment-là, elle peut sombrer dans un état dépressif parce qu'elle se coupe de sa source, de sa vitalité. Puis si la personne n'a pas d'énergie, ben elle est déprimée. Puis si elle n'est pas déprimée, ben elle n'a pas l'énergie pour aller au travail, faire ses occupations familiales et ainsi de suite. Donc, autrement dit, la personne qui devient trop en déphasage par rapport à elle-même, c'est ce qui l'amène à sombrer dans un état de déchéance psychique, un état de malaise qui peut être propice à faire en sorte que son système immunitaire s'affaiblisse puis qu'elle tombe malade sur le plan physique. Tandis que si la personne est capable d'être en contact avec l'énergie, la vibration, puis est capable de jouer, ça peut être de jouer avec des cartes, avoir du plaisir tout simplement à caresser son chat, à lui parler, à discuter avec l'esprit, avoir des discussions avec quelques bons amis qui vont être capables de stimuler et de participer à générer un état d'énergie qui est sain, ben, la personne garde sa cohérence. Donc, elle ne souffrira pas d'ennui, puis sa vie va être l'expression créative de son être. Voilà le point où je voulais en venir. J'espère que les propos qui ont été tenus dans le cadre de cet enregistrement ne vous ont pas trop ennuyé, mais plutôt dynamisé pour favoriser l'émergence d'une créativité en vous. Une créativité qui peut vous redonner vie, vous renouveler psychiquement et favoriser l'expression de votre être réel au cœur de votre existence.